Ah, bon, je me pour m'en marquer, je n'ai rien, je n'ai pas de pièce, qu'on n'y voudra, ni qu'on parlera, ni pour mettre ça en marquer. C'était le fiancé qui disait ça, sa fiancée. J'étais modeste à l'époque. Comment il disait, j'ai pas entendu Bon, bien. je n'ai pas mon marionnette. Bon, je n'ai rien, je n'ai pas de pièce, qu'on n'y voudra, ni qu'on parlera, ni pour mettre ça en marquer. Mais à quelle occasion ça se disait, enfin? Mais je suppose que c'était les jeunes, parce que peut-être bien que c'était un gâteau comme un autre, une orange à l'époque, il y a 50 ou 60 ans, ou plus même, une orange, ça se voyait rarement. Oui.